Le malheur, privé de voix par la douleur. Quand tes propres mots, tes pensées te blessent et t'empêchent de rêver. Alors s'il te plaît, appelle-moi, je lâcherai tout juste pour toi. N'hésite pas, un ami s'est fait pour nous. Quand la nuit tu vois les heures, oui, t'aimais tes angoisses et tes peurs. Et ces jours où des voiles noires ne veulent plus lâcher ton cœur. Alors appelle-moi, en tout cas je serai tout près de toi. N'hésite pas, un ami s'est fait pour ça. Et même crier, si tu veux rire et chanter, courir, danser pour oublier. Alors appelle-moi, en tout cas je serai tout près de toi. Je suis là pour ça, un ami ça sert.